Leçon 1. La pyramide des aliments. L'eau, les boissons, beaucoup, les fruits et légumes, beaucoup. Les féculents, céréales et pain, le plus. Les viandes, poissons, œufs, suffisamment. Les produits laitiers, suffisamment. Les matières grasses, le moins. Les sucres, le moins. Liste des aliments. Les fruits. La banane, la pomme, la poire, la fraise, les raisins, l'orange, la pêche, l'abricot, le kiwi, la framboise, la mangue, l'ananas, les légumes, les carottes, les petits pois, les haricots, le maïs, les oignons, l'avocat, la courgette, la tomate, le poivron, les champignons, les poireaux, le céleri, l'aubergine, les épinards, les féculents, les pommes de terre, les pâtes, le riz, la semoule, les céréales, les flocons de blé, les flocons de riz, les flocons de maïs, le pain, les viandes, le bœuf, le porc, le poulet, l'agneau, les poissons,